بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. تمام. Donc aujourd'hui on va réviser البيت السادس, sixième vers de cette poésie qui est اللاحية d'Ibn Abi Daoud fi aqidati al-sunnati wal-jama'a. فقال المنظم رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى ربك ويوضح وأوضح وربك أوضح. عندك وربك أوضح. نعم تمام. وقل toujours قل on a dit verbe impératif de قال يقول qui veut dire dit. معنى هذا le sens est dit au أيها السني au toi le sunni dit يتجلى من تجلى qui veut dire يعني ظهر apparaître en toute clarté de façon limpide. مثلا تقول هذا شيء جلي, c'est une chose qui est claire, limpide, flagrante. فيتجلى الله للخلق جهرة, que Allah apparaîtra clairement. للخلق هنا المقصود المؤمنون ou les croyants. Pour les croyants. وجهرة c'est une chose qui est qui se fait voir ou entendre. Al-jahr bi salat, salat à voix haute. Donc là, ça va dans le sens de apparaître de façon claire. Là, c'est un bad, c'est un hell. C'est un hell. Jahraten, c'est un hell. Mansoub, wa alaykum salam. كما البدر وكما البدر لا يخفى وربك أوضح. Donc là كيف حرف تشبيه, c'est حرف جر تشبيه. والماء زائدة, الماء هنا زائدة على بس كالبدري. Et là pour le وزن, pour que le verre soit bien similaire au précédent qui rentre bien dans les normes, لعله زاد هذه الماء. Pour que le wazn soit mustaqim. C'est-à-dire comme la lune. Wal-badru, c'est en fait la pleine lune. Laylat al-rabi' ashar, la nuit du 14. Parce qu'elle est pleine. Yusama al-badr. Yusama al-badr. Al-hilal, par exemple, c'est croissant de lune. Al-qamar, c'est la lune en soi. Al-qamar ou al-badr, c'est la pleine lune. Min ma'ani. Comme al-badr la yakhfa, comme le fait que la lune ne puisse. C'est-à-dire ce soir-là, la pleine lune, elle est claire. La yakhfa, c'est-à-dire elle n'est pas, elle disparaît pas, tu la vois, elle n'est pas cachée. En fait, on veut le sens contraire. La yakhfa, c'est-à-dire tazhar. وَرَبُّكَ أَوْضَحُ, que ton Seigneur est encore plus clair. أَوْضَحُ. أَوْضَحُ, c'est le ism tafdil de وَاضِح. أَوْضَحُ, comme كَبِير أَكْبَر, صَغِير أَصْخَر. فَوَاضِح أَوْضَحُ à la وزن أَفْعَل. فَهَدِي الْمَسْأَلَةِ, le sujet de ce vers touche à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah pour les croyants. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que les croyants le verront clairement fil akhira, tout comme ils voient la lune en soir de pleine lune, comme la lune leur est apparente. وهذا من باب تشبيه الرؤيا برؤيا ولا المرء من المرء. Ça c'est une comparaison en fait de vision à vision et non pas de visu à visu. C'est-à-dire, c'est comme je te dis par exemple, j'ai vu Amr tout comme je te vois actuellement. Cela n'implique pas que tu ressembles à Amr, mais ma vision à moi quand j'ai vu Amr est aussi claire que je te vois toi aujourd'hui. Mais ça n'appelle pas à comparer entre toi et Amr. Donc là, c'est pas on compare Allah subhanahu wa ta'ala, mushabbihu bi khalqi, qui ressemble à sa création, qui ressemble à la lune. Non, on dit qu'on le verra tout comme on voit la lune. Et non pas que Allah sera comme la lune, c'est-à-dire en apparence de la lune. Ça c'est mayajouz. Adakouf. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est comparable, n'est comme lui. Mais juste on le verra pour comprendre. Comme tu vois la lune le soir de pleine lune, clair, tu la vois bien, bah Allah subhanahu wa ta'ala, tu le verras yawm al-qiyamah également. وهذا مبني على حديث جرير بن عبد الله عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم وبل قال جرير كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر للقمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته والحديث متفق عليه ليس بخاري فقط بل الحديث متفق عليه. Donc selon Jarir, il dit que nous étions assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un soir, une nuit, et il dit, il se mit à regarder la lune, la nuit du 14 du mois, pleine lune, et il dit, certes vous verrez votre Seigneur Azzawajal tout comme vous voyez cette lune, sans aucune bousculade. C'est-à-dire, pas besoin de se bousculer, vous le verrez clairement. Donc, la comparaison de la vision avec la lune, c'est pour comparer le fait que tu verras Allah subhanahu wa ta'ala clairement. Taïeb. Donc, cela fait partie de la croyance d'Ahl al-Sunnah wa Jama'a. Ru'yatullahi fil akhira. Donc, parmi les preuves de cette ru'ya, de cette vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk est la cité. Entre autres, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où dit Wujuhun yawma idhin nadhira. Il est Rabbiha Nazira. C'est-à-dire, dans le sens des visages resplendissants, beaux, qui regarderont leur Seigneur. Nazira. Ism fa'il de Nazara Yanzuru. Taïeb. Donc là, les gens de la Bid'a, ils ont voulu interpréter ce verset en disant. Nazira, mana, muntazira. Muntazira, ils attendent la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attendent la récompense. Que nazara peut avoir le sens de intazara. Lakin fil lora da khata. Léna nazara, izi udiyabi ila harfojar ila. Quand on met ila, ça veut dire regarder. Et là, le harfojar, il est venu. Ila rabbiha nazira. Ila. Donc ça ne peut pas être le sens de intazara. En plus, avant, c'est quoi? Des visages, c'est-à-dire les yeux, pour voir, sont où? Dans le visage. C'est-à-dire que les visages seront tournés et verront, des visages resplendissants regarderont leur Seigneur. Ça peut être des visages qui attendent leur Seigneur. Attendent la récompense de leur Seigneur. C'est une interprétation qui est fausse. Également, parmi les preuves démontrant que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, qawlahu ta'ala wa alaykum salam lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Ceux qui ont bien œuvré auront la meilleure des récompenses et un ajout, un surplus. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً سورة يونس verset 26. Donc الزيادة فسرت برؤية الله. Les interpréter, son tafsir, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prouve le hadith de Suhaib, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدَةِ لَمْ تَرَاهُ فَيَقُولُونَ مَا هُوَ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Dans le hadith de Suhaib, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque les gens du paradis rentreront au paradis, il leur sera dit, ils seront appelés, ô vous gens du paradis, vous avez certes une promesse d'Allah que vous n'avez pas encore vue, mais pas encore eue. Ils diront, comment? Quelle est-elle? N'a-t-il pas blanchi nos visages? Ne nous a-t-il pas épargné du feu pour nous rentrer au paradis? Donc, qu'y a-t-il de plus grand que cela? Donc là, il va soulever le voile, le hijab, hijabu lazi wa min nur, son hijab qui est de lumière qui l'empêche qu'on le voit, et là ils le verront clairement. Donc il est dit wallah, par Allah, que Allah n'aura jamais donné une chose aussi aimée auprès d'eux que sa vision, qu'ils puissent le voir. Ensuite il récita le verset dans le sens, pour ceux qui ont bien œuvré, alors la meilleure récompense est un ajout, un surplus. L'ajout c'est ruyatullah yawm al-qiyamah. وكذلك من أدلة رؤية الله يوم القيامة قال بعبي لبقوف قوله تعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. En parlant des kuffars, qu'il dit que non, ils seront certes voilés de la vision de leur Seigneur ce jour-là, c'est-à-dire le يوم القيامة, que les kuffars ne verront pas, ceux qui ont démenti les versets ne verront pas leur Seigneur ce jour-là. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a fait un istinbat, une déduction très forte de ce verset, en disant que si Allah subhanahu wa ta'ala a recouvert ses ennemis de le voir, cela démontre le contraire, qu'il va montrer à ses alliés qu'ils pourront le voir. Il va accorder à ses alliés qu'ils puissent le voir. Sinon, où l'intérêt d'entendre une chose si ce n'est pour l'accorder aux gens de bien? Vous voyez, on rajoute que Shana passe ce matin. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الناس ينظرون إلى الله تعالى بعيونهم يوم القيامة. يعني الناس المؤمنون. Ça c'était rapporté par la Jurri dans la Sharia. Que l'imam Malik il a dit que les gens verront Allah subhanahu wa ta'ala de leurs propres yeux le jour de la résurrection. Il est visqué croyant. Après il y a eu un khilaf par rapport au Munafiqin et d'autres personnes, est-ce qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala? Quoi qu'il en soit, même s'ils le verront, ils ne le verront pas sous une apparence réjouissante, comme celle que verront les mu'minoun yawm al-qiyamah. D'accord? Car des hadiths sont venus appeler à ça. Aucun khilaf sur la mas'ala. Donc ils ne le verront pas comme les croyants le verront au Jannah. Parmi les shubuhat de al-bida' pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu yawm al-qiyamah, parmi eux, al-mu'tazila, à leur tête, Azumar Shari, lui il prend comme شبهات قال موسى قال ربي أريني أنظر إليك فقال لن تراني ولدي أو سنيور لسوا تفوار قال لدي تنو مفيرا با قال لن تراني لن حرف نظر ونفي واستقبال لن حرف نظر لنغاسيون dans le futur لن تراني. Donc là c'est une erreur, car لن لا تفيد التأبيد, que لن n'est pas un حرف qui a pour sens un sens éternel, un sens continu. La femme se dit Foulen l'agnajlis, un tel ne s'assoira pas. Ça veut dire qu'il ne va jamais s'asseoir? Non. Jusqu'à quand on ne sait pas, il ne s'assoira pas. Ça veut dire Wallah il agnajlis, par exemple. Wallah je ne veux pas m'asseoir. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu meurs, tu vas rester debout. فتسوى عمامة تسوى بيجي تسوى عمامة فهمت؟ فلن لا تفرد التعبيد. ومن الأدلة قوله تعالى في مريم قالت فلن أكلم اليوم إنسيا je ne parle à personne aujourd'hui. Elle a fait son vœu, elle a fait je ne parlerai à personne aujourd'hui. وكذلك الله لم يكن لا أرى. Il n'a pas dit je ne suis pas on ne peut pas me voir. Il n'y a pas de ne peut pas me voir. L'an aura. L'an taron, c'est-à-dire tu ne me verras pas en cette dunya. Et kazalika, qila, comment Moussa, alayhi salam, qui est un messager et un prophète, puisse demander une chose qui soit impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa a une science énorme pour une créature. D'accord ? Comment viendrait-il à l'esprit de Moussa de demander une chose impossible à Allah subhanahu wa ta'ala ? S'il a demandé, c'est qu'il est, il sait que c'est faisable. Cependant, ce n'est pas faisable en cette dunya. D'accord ? Ce n'est pas faisable en cette dunya. Parmi leurs chebouettes, قال تعالى لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار que les regards ne peuvent l'atteindre, le cerner. فالإدراك بمعنى الإحاطة le fait de cerner une chose, de la comprendre, pas forcément de la voir. كفي قال تعالى lorsque le peuple de Moussa s'enfuiront de Pharaon. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون. Lorsque les deux groupes vont se voir, c'est-à-dire les peuples de Moussa verront le peuple de Pharaon derrière eux, ils vont se voir, ils ont une vision, ils diront quoi ? Ils vont nous rattraper, ils vont nous atteindre, ils vont nous rejoindre. Adam marna al-idrak, mais ils se sont vus. Al-idrak la yamna al-ruya, juste c'est un sens. En plus, qui est le fait de cerner une chose, de la rattraper. Et que Allah, nam, la yudrak. Tu ne pourras cerner Allah ni le rattraper. Mais cela n'interdit pas le fait que tu puisses le voir, yom al-qiyama. Fakullu hadi al-ashiyat adullu ala anna Allah subhanahu wa ta'ala sayura yom al-qiyama. Et ça, c'est parmi la croyance des gens de la sunna que Allah sera vu par les croyants le jour de la résurrection au paradis. Et cela est la plus grande récompense qu'il leur accorde. فالبيت هو وقل تجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح مفهوم هذا البيت كي هو السيزيام concerné la vision d'Allah سبحانه وتعالى يوم القيامة نعم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين